Chapitre 7. Dalmatie. Un vent peut-il être aussi angoissant? Ce n'est pas le vent d'ouest romantique que j'aime entendre chez moi, la nuit, bien à l'abri derrière les volets fermés de ma chambre. Celui-là ne pousse pas de jolis nuages nés au-dessus de l'océan, très haut dans l'azur. Il arrive des montagnes dans un ciel clair, en rafales violentes. Il ne chante pas avec bonhomie dans les frondaisons, mais siffle longuement et méchamment. Il ne soufflette pas en rondeur, mais gifle et rue à plat. Il n'en finit pas de courir vers l'Adriatique, et sans doute jusque sur les rives italiennes, en soulevant des vagues coléreuses. 2 ou 3 heures du matin, je suis assise dans la tente de toit pliable de la voiture, à laquelle on accède par une petite échelle rétractable. Les gens s'extasient sur ce système ingénieux, ouvert et fermé en moins d'une minute. Très confortable pour le dos. Hier soir, au bout d'une dizaine de kilomètres, fatigué par les montagnes russes d'une route sinueuse interminable, nous nous sommes garés sur un petit promontoire rocheux à proximité d'une plage de galets auprès d'un camping-car français. Il n'y a rien à craindre dans ce désert qu'est l'île de Pâques, fréquentée en cette fin d'été davantage par les moutons et quelques ânes que par les êtres humains. Mais ce vent, ne va-t-il pas emporter tout le dispositif? Je tiens les montants de la tente avec inquiétude, alors que Klaus ronfle tranquillement à mes côtés. Une horreur, cette île de Pâques. Des cailloux, et encore des cailloux, où les moutons broutent une herbe improbable, des murets de pierre enserrant des parcelles de terre arides et pauvres, quelques vignes, guère de verdure, en dehors d'oliviers et de chênes verts épars. Une impression de désolation, malgré un ciel sans nuages. Je n'aime pas la Dalmatie. La première bourrasque est arrivée subitement alors que je commençais à faire cuire des pâtes sur mon petit réchaud. Nous avons dû nous contenter de pain et de fromage. Depuis 12 ans que nous fréquentons la côte dalmate avec ses îles, la Bora ne manque pas de venir nous saluer de temps à autre, surtout vers Rijeka ou Kaerka ou sur Rab. Pas toujours avec aménité, m'a dit la propriétaire du camping-car. Ici, elle descend du Velibit, la chaîne parallèle à la côte que vous voyez sur le continent. Elle est sournoise, mauvaise, méfiez-vous. Avec la Bora qui se déchaîne, c'est l'angoisse, le sentiment d'être un fétu de paille à la merci de forces hostiles. Pas d'abri humain de pierre à proximité, pas d'arbre en vue auquel s'agripper, même pas de gros rochers à entourer de ses bras. Tout au plus ces cailloux dérisoires sur la plage et à l'intérieur des terres. Une nouvelle rafale réveille Klaus en sursaut. « Il faut plier la tente, hurle-t-il, et se réfugier dans la voiture. » « Oui, oui, sitôt dit, sitôt fait. La Bora ne va-t-elle pas renverser la légère carcasse de ferraille? Ce sale vent n'agonise qu'à l'aube. Crispé par l'absence de sommeil et l'inquiétude, nous sortons de la voiture pour nous dégourdir les jambes. Devant nous, la mer est d'une limpidité intense, l'air d'une douceur de soie. Un café apporté par les touristes français remet un peu de bonne humeur dans les esprits. Gentiment, ils nous conseillent de faire le tour de l'île. Nous prenons la route vers le nord de l'île, de bonne heure, sous un soleil pas encore assez vif pour éteindre les couleurs. Entre les cailloux saillent de maigres herbes méditerranéennes gorgées de sel marin que broutent les moutons, blanches taches indolentes. Les murets ébranlent l'espace, forment des tableaux insolites. L'eau n'est jamais loin. Des langues de mer, des lacs, ou plutôt des salines. Parfois, nous descendons dans une crique déchiquetée d'où nous contemplons rêveusement, à l'abri de quelques pins, les flancs du Velibit, plongeant à certains endroits directement dans la mer. Vers 10 heures, nous nous arrêtons sur une petite plage. La mer, le soleil, les galets, tout cela est merveilleux pour Klaus qui sait nager et aime le soleil cuisant. Mais mortel pour moi qui passe mon temps à l'enduire de crème solaire et à lire sans pouvoir me concentrer à cause de la canicule. La mer bleue, du minéral, des mouettes dans le ciel, c'est tout. Du vide, un sentiment de vide. Le soleil est à son zénith quand nous parvenons dans la petite ville de Pâques, assoupie dans son oasis de verdure. Plants en damier, venelles étroites aux pavés lisses, églises charmantes, petit port avec ses barques de pêcheurs. Sur le pas de sa porte, une vieille femme en noir qui fait de la dentelle à l'aiguille nous sourit de sa bouche édentée. Nous prenons place sur la terrasse ombragée d'un restaurant face à la mer. Un garçon magnifique, grand, brun, souriant, s'approche de nous avec la carte, mais nous conseille dans un allemand irréprochable de goûter les spécialités du pays fleurant toutes l'iode et les plantes aromatiques. L'agneau de pré salé grillé, les olives, le vin blanc et le fromage de brebis. Oui, le tout est un délice. De même qu'il est délicieux de suivre discrètement des yeux les gestes souples et gracieux du jeune homme qui s'affaire avec les rares clients. Je me dis que j'aimerais me réfugier dans les bras de cet Apollon au sourire si franc, à l'air si ouvert, aux épaules bien larges. Comme Klaus a l'air chiffonné, chagrin, raide, fermé sur lui-même. Sent-il confusément que mon esprit est ailleurs? Quand je me lève pour partir à la fin des agapes, le garçon me fait un clin d'œil. J'en ai le cœur retourné. Désormais, j'éprouve de la sympathie pour la Dalmatie. Nous remontons jusqu'à Novalia et poussons même jusqu'à l'extrémité d'une étroite bande de terre au nord de l'île. Le côté oriental est lunaire, sans doute à cause des ombres salées apportées par la Bora. Pas un arbuste, ni même une touffe de garrigue. C'est sinistre et beau tout à la fois. À l'ouest, la végétation surplombée, ici et là d'oliviers noueux, moutonne sauvagement sous le soleil couchant, avec des couleurs de cartes postales. Rare signe de vie, un troupeau sans berger. Des ruches, de minuscules villages dans des nids de verdure. La vue sur les ombres noires des îles éparpillées dans la mer en direction de l'Italie invite au voyage dans le temps. Le silence est impressionnant dans ce paysage qui n'a pas changé depuis les Grecs, les Romains et les Vénitiens. Je propose de dormir près d'un tout petit port où un touriste allemand nous conseille de visiter absolument Plitvice. C'est par une petite route tortueuse, éreintante, fort dangereuse depuis Karlobag sur la côte dalmate que nous nous dirigeons vers Plitvice. Les camions font sans arrêt des appels de phare et terrorisent avec des coups d'avertisseur furibonds. À plusieurs reprises, nous évitons de peu la collision avec de grosses berlines allemandes conduites par des autochtones arrogants qui klaxonnent comme des fous. La peur au ventre à tout moment. À un tournant, au pied de falaises abruptes, dans un décor des plus sauvages, deux policiers tiennent en joue un homme debout devant un précipice. Des hêtres, des érables, des chênes, de sombres sapins sur un relief chaotique. Une atmosphère inquiétante et étouffante, sauf dans les moments où on entrevoit la nappe bleue de l'Adriatique avec son chapelet d'îles blanches. Les maisons, souvent pas terminées, guère entretenues, ont l'air mal aimées. Ce pays n'a pas l'air heureux. C'est à se demander où se niche le socialisme. Nous faisons halte dans un restaurant vide de clients en cette fin de saison. La serveuse ou la gérante, je ne sais, une grande femme sèche, mal peignée, en grande conversation avec un routier de passage, ne nous jette même pas un coup d'œil. Remarquant tout de même que nous nous apprêtons à repartir, elle va chercher en toute hâte des poivrons farcis froids qui ont l'air d'être cuits de la veille. Pas un salut, pas un mot, rien. Son regard semble passer au-dessus de nos têtes. Que sommes-nous venus faire dans cette contrée sauvage où nous ne semblons pas les bienvenus? Les Allemands y ont laissé des souvenirs atroces. A-t-on ici des ressentiments contre cette sale engeance des pays capitalistes? Veut-on vivre seulement dans l'entre-soi? Est-on méfiant envers tout étranger? La femme est-elle à ce point sous-payée qu'elle en fait le moins possible? Difficile à dire. En quittant les lieux, nous entendons le couple rire à gorge déployée. En sommes-nous la cause? Heureusement que la nature nous offre bientôt un spectacle grandiose. Dans un décor de montagnes aux forêts denses, de gorges, de canyons, de falaises et de grottes, 16 lacs se déversent les uns dans les autres au milieu d'un inextricable labyrinthe de feuillages et de rochers. L'eau limpide court partout, s'insinue dans la moindre cavité ou crevasse, affouille, fouille, ravine, s'étale, s'irise, bruine, arrose, bouillonne. Des cascades, des mares, des ruisselets, des nappes vertes et bleues turquoises où se dessine du corail d'eau douce. Depuis les passerelles en bois, on voit les lézards, les crapauds, les grenouilles et les salamandres sauter dans les bouquets de nénuphars ou sur les roches moussues. Des libellules bleues, des papillons, des oiseaux nous frôlent. Le paysage se meut, danse, ondule. Il chantonne, murmure, glousse, pleure, gémit, sanglote, gronde, tonne, parle avec tous les sons de la terre. Après l'enchantement de Postojna, aux entrailles parées pour une fête sublime, Plitvice est un petit coin du globe unissant dans un accord parfait des magnificences de couleurs, de sons, de vibrations et de pulsations, d'où sort le pullulement d'une vie frémissante. Les promeneurs, peu nombreux, subjugués par ce spectacle, marchent lentement, rêvent, méditent. La beauté extrême existe, elle exalte, et, en remettant l'homme à sa juste place, apaise. Vers 7 heures du soir, nous reprenons la route en direction de Split, fuyant les sombres forêts dont un touriste nous a dit à Plitvice qu'elles étaient hantées par des loups, des ours et des lynx. Nous faisons halte sur un haut plateau majestueux près d'une petite église à Oubdina. Un paysage vert aux douces ondulations, des chemins qui se perdent très loin dans la campagne. Nous nous endormons au son de la musique nostalgique d'une fête de village où nous n'avons pas osé nous aventurer. Nous passons la matinée dans l'antre labyrinthique et herculéen du palais de l'empereur Dioclétien, dont les anciens appartements privés servent aujourd'hui d'habitation. Peu de touristes en cette fin septembre. Seuls les habitants de ce centre historique vont et viennent, vaquant à leurs occupations. Sur le plan romain strict, s'est greffé au fil des siècles un gigantesque fouillis architectural sous l'impulsion des Slaves, des Byzantins, des Ottomans, des Vénitiens, puis de l'Empire austro-hongrois, pour ne pas parler d'un bref épisode napoléonien. Bref, c'est un carrefour complexe de civilisations qui me donne une idée vertigineuse de tout ce qui a existé avant moi. Visite de la cathédrale construite à partir d'un ancien mausolée romain aux détails insolites. Que fait ici, par exemple, un sphinx égyptien? Nous sommes ébahis par les imposantes salles souterraines du palais au sol glaireux. C'est passionnant et étouffant à la fois. Il y a tant de choses à voir que j'ai l'impression de glisser sur leur surface. La disharmonie pourrait être pittoresque et finalement assez heureuse si la ville de Split n'était pas laissée à elle-même dans sa grisaille et sa crasse. Quel dommage, car la richesse artistique y foisonne et la mer Adriatique y chante avec ses palmiers et ses agaves sous un ciel immense et pur. Klaus, moins passionné que moi par l'histoire et l'architecture, m'entraîne presque de force en dehors des remparts que je quitte à regret. Bon, on va aller se baigner maintenant. Pas question. Nous n'avons pas fait tout ce chemin pour aller faire trompette. Il y a de belles piscines en Allemagne. Tu as une conception bizarre des vacances, hein. Tu n'es pas fatigué? Mais de quoi? Je ne me sens bien que lorsque j'apprends. Tu m'épuises, tu sais. Tu es vraiment insatiable. Où veux-tu aller maintenant? Eh bien, à Mostar. Pourquoi pas à Sarajevo? C'est plus loin. Nous nous écarterions trop du bord de mer que tu adores tant. Tu vois, je sais couper la poire en deux. Mostar est tout de même à 170 km de Split. Je suis sûre que cette petite incursion en Herzégovine va te plaire. Qu'est-ce qui t'attire là-bas? Déjà le nom chantant du pays. J'aimerais voir le pays d'où étaient originaires Esma et Afna, à la peau très sombre et aux cheveux de jais. Deux femmes de ménage de Bad Migolsheim que j'aimais bien. Elles étaient sûrement d'origine tzigane. Et ces gens m'intéressent par leur goût de la liberté et leur musique. Il y en a dans ma rue qui portent des noms allemands et je me demande s'ils ne viennent pas de ton pays. Je n'ai jamais pu les approcher. Ils vivent complètement à part. Je ne sais pas s'il y en a en Allemagne. Tu sais pourquoi quand même? Oui, je l'ai appris à Dachau. Je ne suis pas responsable du délire criminel de mes compatriotes, je te le rappelle. Sont-ils mieux traités ici? Je n'en suis pas sûre. Nous ne tardons pas à en avoir la confirmation. À deux reprises sur la route accidentée menant à Mostar, nous sommes arrêtés par des enfants, surgissant brusquement d'un terrain vague entouré de broussailles. Hirsutes, dépenaillés, couverts de poussière, ils tendent vers nous la main dans un même mouvement. Klaus ralentit. Mais ne vont-ils pas nous détrousser? Il s'arrête et accepte que deux petites filles munies d'un chiffon et d'une petite bassine remplie d'eau nettoient notre pare-brise qui en avait bien besoin. Alors que je tends une petite pièce, mon regard plonge dans des yeux de velours aussi curieux que coquins. Bref, des yeux d'enfants qui n'ont pas l'air sous-alimentés. Dans le camp à l'arrière, des adultes, indifférents à notre présence, sont affairés autour de marmites et de brasiers fumants entre des cabanes faites de briques et de brocs. Il est clair que ces gens vivent hors de notre monde. Plus loin, Klaus me dit. Les enfants ne vont visiblement pas à l'école et grandissent comme des petits animaux sauvages. À l'âge adulte, ils ne sont pas armés pour s'insérer dans notre type de société. Esma et Hafna ne sont pas issues du milieu tzigane, à mon avis. Elles ont par contre sûrement du sang turc, comme beaucoup de gens de Bosnie et de la côte dalmate. Tu as sans doute raison. Je ne sais pas si les patriarches d'un clan tzigane leur auraient donné le feu vert pour partir. De plus, en territoire pas vraiment ami. Les Turcs n'ont pas les idées plus larges avec leurs femmes. Ils ne sont pas les seuls. Une chose est certaine, c'est que loin de chez elles, ces mères de famille se sont bien émancipées. Comment ça? Eh bien, elles savent comment occuper leur moment de loisir, si tu vois ce que je veux dire. Que de chemin parcouru depuis mon séjour dans le Bade-Wurtemberg il y a 3 ans, me dis-je. Quel bilan en tirer? Cette relation épisodique avec Klaus pendant les vacances, ces liens reposant sur un intense échange épistolaire et peu de vécu, cet amour de l'art, de la littérature et des voyages qui nous est commun, tout cela constitue-t-il un socle suffisamment solide pour construire un avenir commun? Pourquoi mon esprit vagabonde-t-il de plus en plus vers d'autres hommes? Je me demande vraiment où je vais. 8 heures du matin. Le vieil homme pousse vers nous un café turc dans une tasse minuscule et un verre d'eau. Nous écoutons en souriant l'allemand un peu bizarre qu'il a dû apprendre et entendre au temps où la Bosnie-Herzégovine faisait encore partie de l'Empire austro-hongrois jusqu'en 1918. La veille au soir, en garant notre voiture devant sa maison, il nous a fait signe de la rentrer directement dans sa cour pour que nous puissions nous promener tranquillement. Y aurait-il du danger ici? La ville semble si paisible entre ses pentes douces et la Neretva d'émeraude qui la traverse en chantonnant. Les Ottomans ont laissé ici des traces. Le vieux pont à la fois massif et élégant qui enjambe d'un seul bond la rivière, des mosquées aux minarets fiers et audacieux, ainsi que des maisons de style turc. Les artisans vaguent tranquillement à leurs occupations dans leurs minuscules échoppes collées les unes aux autres. Et sans trop pousser à la vente, ils offrent chaleureusement un café aux curieux, admirant les trésors de leur caverne d'Ali Baba. L'Orient est présent dans l'architecture et sur bien des visages, comme le disait Klaus hier. Que ce serait passionnant d'aller là-bas vers l'Est. Oui, aller toujours plus loin, continuer de découvrir le monde qui ne s'arrête pas à la France et à l'Allemagne. La nuit dernière, sous la tonnelle de vigne d'un restaurant, nous avons bu un verre de rakia et dégusté pour une somme dérisoire une recette locale à base d'agneau et de poivrons rouges. Un chanteur tzigane d'une grande beauté chantait tour à tour des mélopées nostalgiques ou bien gaies et entraînantes en s'accompagnant d'un violon. Comme nous étions les seuls clients, j'avais l'impression qu'elle n'était destinée qu'à nous. Notre hôte, veuf, vit dans une pièce noire de suie et dénudé qui lui sert à la fois de cuisine et de chambre à coucher. Un lit dans un coin, un bahut informe où il range une maigre vaisselle, une table au milieu avec 4 chaises et un fourneau délabré, apparemment hors d'usage, sur lequel dort un chat tigré. Très ridé, mais la moustache et la tignasse drue et encore bien noire, notre hôte nous explique d'une voix rocailleuse un mégot coincé dans la bouche qu'il est croate catholique mais s'entend parfaitement pour sa part avec ses amis serbes, orthodoxes, bosniaques et monténégrins musulmans. Le soir, tous se retrouvent dans la bonne humeur au café, pour jouer aux cartes autour d'un petit verre de rakia. Pourquoi distinguer ainsi les gens d'après leur origine raciale et leur religion? Ne se reconnaissent-ils pas comme des citoyens faisant pleinement partie de la fédération yougoslave de Tito? Le communisme ne devrait-il pas abolir ce genre de distinction? Je me rappelle soudain cette phrase de Milan, le détestable copain de Klaus, originaire de Belgrade, rencontré à Brunswick. « Je suis serbe, pas yougoslave. Pour moi, ce mot est une insulte. » Que voulait-il dire par là? Je me le demande encore. Le nationalisme exacerbé me choque profondément. Je ne comprends pas qu'on puisse se réclamer fièrement d'une catégorie raciale et dénigrer les autres. Même mes parents, issus pourtant d'un multiple cousinage et originaires du même village, mettent rarement en avant leurs racines. Quant à moi, ayant grandi en ville, ne fréquentant qu'une partie infime de mon immense parenté, toujours attiré de toute manière par ce qui ne me ressemble pas, anticonformiste de nature, je ne vois pas ce qui me rattache profondément à la France en dehors de la langue et quelques habitudes gastronomiques et vestimentaires liées à l'histoire, à la religion, au climat. Peut-être me rendrai-je compte plus tard que je suis, moi aussi, formatée par l'éducation reçue en France. Ne dis-je pas parfois « Ah, ces Allemands !» N'ai-je pas des préjugés, moi aussi? N'en ai-je pas vis-à-vis des Tziganes? Le Croate regrette de ne pouvoir partager ne serait-ce qu'un quignon de pain avec nous. Il n'a rien et hausse les épaules quand je lui demande si l'État n'est d'aucun secours. Décidément, on ne voit pas où est le socialisme dans ce pays. Avant de quitter Mostar, nous achetons quelques victuailles pour nous-mêmes et pour le vieil homme, que nous remercions chaleureusement, puis nous repartons à l'aventure. Nous traversons des villes aux noms chantants, Dubrovnik, l'ancienne Raguse, et Kaftat, autrefois Épidaurus. Le soleil est si brûlant que nous bâclons la visite de ces villes et décidons de bifurquer vers le Monténégro et la Macédoine. Paysage sauvage, gorge profondément encaissée, inspirant l'effroi. Petite bourgade sinistre et sale. Des gens à l'air sombre, misérablement habillés. Des femmes en fichu et des hordes d'enfants en haillons, des minarets un peu partout. Skopje, encore sinistré 6 ans après le tremblement de terre, qui l'a complètement détruite. Une population surtout albanaise. Un monde étrange, peu européen. De la peur parfois. Klaus, si on allait en Grèce? Nous n'avons plus assez de temps. L'année universitaire va bientôt recommencer. Nous devons rentrer. Je vais te ramener chez toi. L'année prochaine, alors? Oui, pourquoi pas? Je savais bien que tu finirais par t'intéresser à autre chose qu'à la plage. Et toi, tu l'apprécieras quand tu te donneras la peine d'apprendre à nager correctement.